Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Olivia Guilbeault. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Je tiens avant tout à remercier la NEF, qui est le partenaire du podcast. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et c'est un partenariat crucial pour moi qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Olivia, toi, tu es la cofondatrice de l'agence Machin Bidule. C'est une entreprise basée au Mans qui se veut le prototype d'un nouveau modèle d'agence de communication. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous parlerons ensemble de la capacité du marketing à se mettre à la hauteur des enjeux écologique, du greenwashing aussi et de ses travers, et de la possibilité de retrouver une économie à échelle humaine. Pour commencer cet échange, Olivia, je te pose la question que je pose à tous mes invités au début de l'échange, c'est en gros, imagine, tu arrives à une rencontre, une soirée, un événement où il y a des personnes que tu ne connais pas et arrive cette question fatidique de qu'est-ce que tu fais toi dans la vie, qu'est-ce que tu leur réponds ? Eh bien, moi dans la vie, j'ai choisi de travailler dans la créativité. Et donc, mon travail, c'est de faire émerger des idées qui font progresser et qui permettent de mettre en valeur des produits, des services, tout ce qu'on veut, en fait, des idées même, qu'en valent vraiment la peine. Je parle souvent des 2030 glorieuses en insistant sur la nécessité de cette créativité retrouvée. Et à la fois, tu vois, là, on va être obligé de clarifier ces propos parce que malheureusement, j'ai l'impression que la Startup Nation, elle a réussi à s'approprier un peu tous ces codes de créativité que moi, je trouve salutaires pour nous vendre toujours plus de choses inutiles dont on n'a pas besoin. Raconte-moi comment toi, tu arrives à remettre cette créativité au service, bon, c'est vrai, de ton bonheur, peut-être de ton épanouissement professionnel, même c'est sûr, j'aurais tendance à dire, mais aussi d'une activité économique qui est vertueuse. En fait, effectivement, c'est une question de décision. C'est-à-dire qu'un des avantages compétitifs incroyables que peut avoir la Startup Nation, mais avant elle, tous les grands groupes industriels, agroalimentaires, etc., qui ont des moyens de dingue pour communiquer, pour faire de la publicité, c'est qu'en fait, ils ont accès aux bonnes idées, aux bonnes agences, et évidemment, après, ils ont les moyens financiers. Et en fait, on s'est dit, nous, on a la prétention de penser qu'on est bon, et qu'on peut faire émerger des excellentes idées, au moins aussi bonnes que ces énormes agences parisiennes. Mais on choisit de réserver cette compétence, ce savoir-faire, à des entreprises ou des associations d'ailleurs, dont on partage le combat en fait. Et donc c'est juste une question de décision, c'est notre mission. Je ne sais pas si le concept des entreprises à mission est connu de tous, mais... voilà, on est en train de devenir une agence de communication à mission, c'est-à-dire que hier, et puis c'est un chemin, c'est une transition. Hier, on nous demandait de vendre du shampoing, on vendait du shampoing. On nous demandait de vendre du sport automobile, on vendait du sport automobile. Je suis du Mans, vous voyez quand même à peu près le lien, je pense. Et puis à un moment, il y a une prise de conscience, et puis on se dit non, en fait, moi, ma mission de vie, ce n'est pas de contribuer à vendre toujours plus de places pour une compétition de sport automobile ou ce n'est pas de contribuer à vendre plus de shampoing. Moi, quand on m'appelle, et en ce moment, on nous appelle énormément pour des problématiques qui reviennent énormément. Par exemple, mon entreprise n'arrive pas à recruter. C'est le sujet que l'on traite le plus en tant qu'agence de communication en ce moment. Là, je trouve que ça fait hyper sens de dire à une boîte qui peine à recruter, mais dont la mission est passionnante, qui traite bien ses collaborateurs, qui prend soin d'eux, qui fait vraiment énormément pour eux, et bah ouais, bien sûr que eux, je vais les aider à recruter, parce que là, je sais que je crée du bon, quoi. Enfin, je fais partie de la solution. Olivia, la conversation qu'on va avoir, elle va être passionnante parce que très nuancée, et c'est vrai qu'un peu plus compliqué que ce dont j'ai l'habitude. Pourquoi ? Parce que quand je parle avec des gens que j'amène en 2030 Glorieuse, leurs métiers sont assez évidents dans leurs liens bénéfiques pour la construction des sociétés de demain. Là, toi, tu reprends un héritage qui est assez lourd et qui est aussi un peu ambigu. Je m'explique. Quand on parle des 2030 glorieuses, on imagine bien tous les métiers de relation à la terre, tous les métiers de relation au vivant, les liens de solidarité, etc., etc. Et à la fois, il y a tout un tas de métiers, de services qui ont été créés par nos sociétés, qui ont un peu cette connotation d'être des couches qu'on a rajoutées au millefeuille et dont on ne sait pas si on va en avoir besoin ou pas. En l'occurrence, la communication, en plus, elle a eu tout ce qu'il y a eu de travers bling-bling qui ont vraiment fait défaut à notre société, avec comme symbole de ces entreprises, Publicis, Jacques Séguéla, les tapis rouges, les lions en or, la Rolex à 40 ans ou à 50 ans, je ne sais plus, qui montrent aussi tous les travers du capitalisme, avec cette nécessité du toujours plus, de l'exploitation de tout le monde, pour tout le monde, par tout le monde, pour créer encore et encore de la richesse pour certaines personnes qui en profitent. Et à la fois, même moi, souvent, je dis qu'il faut prendre les armes du capitalisme pour les retourner contre lui. Qu'est-ce que tu peux me dire pour m'éclairer par rapport à ça? Et c'est exactement ça, en fait, ce que ta dernière phrase. Là, il faut prendre les armes du capitalisme pour les retourner contre lui. C'est-à-dire que... tu vois, on bosse pour des grosses associations, des associations qui ont 5000 collaborateurs en France, qui sont énormes, qui sont plus grosses que des entreprises dans leur secteur. Et toute la pub que tu entends dans leur secteur, c'est cette entreprise-là qui dit « on est les leaders en France, on est les meilleurs, regardez ce qu'on fait de génial et tout ». L'association à côté, qui est plus grosse, qui travaille mieux, qui traite mieux ses collaborateurs, qui a des meilleures performances auprès de ses clients, elle hésite. Elle hésite parce que quand on lui propose une campagne de communication un peu, oui, évidemment qu'on est là pour valoriser les marques et les actions, hein, on va pas, il n'y a pas de modestie dans notre métier, donc on propose quelque chose d'un peu immodeste, et l'association, elle va dire, oh, ouais, mais alors attends, parce qu'en fait, nous, dans un cas, ça s'est quand même pas bien passé, là, dans telle ville, et du coup, on est un peu inquiet. Et en fait, on est obligé presque de se bagarrer pour leur dire, mais vous croyez vraiment que l'entreprise à côté, là, le leader, il se pose ces questions-là? C'est-à-dire, il faut utiliser ces outils-là, il faut les mettre au service des bons. C'est simplement ça, en fait, la question. C'est, si on met ces mêmes outils, cette même capacité à convaincre, cette même capacité à créer du beau, parce que la communication, c'est aussi créer du beau, valoriser, là, on va avoir de l'impact, en fait. Et vraiment, je pense qu'il faut que ces entreprises qui font les choses bien, qui les font mieux, elles aient pas peur de communiquer, parce que c'est comme ça, en fait, qu'elles vont vraiment réussir à marquer des points contre les énormes qui, eux, se posent pas de questions, en fait. Donc il faut y aller franco. Moi, c'est mon job, en fait, d'essayer de les convaincre, d'y aller vraiment, et d'utiliser exactement ce que tu dis, d'utiliser ces outils-là, mais au profit de causes et d'entreprises et d'associations qui en valent vraiment la peine. Et c'est bluffant, en fait, parce que ça crée de la fierté à l'intérieur d'une organisation quand une association qui fait bien les choses commence à oser communiquer, commence à oser le dire, commence à oser prendre la parole, et bien à l'intérieur, les gens sont fiers et ils vont commencer à en parler à leur conjoint. Et y a une forme comme ça de mise en pouvoir, j'aime pas le mot empowerment, mais de tout le monde. Et puis on se sent fiers de ce qu'on fait et eux, ils vont réussir à recruter correctement. Et voilà, en fait, moi, c'est ça que j'essaye de faire. C'est pas l'outil le problème. L'outil, franchement, c'est au service de qui on le met et avec quelle valeur on l'utilise, avec quelle éthique on l'utilise. Moi, j'irai jamais dire des trucs faux. Et d'ailleurs, avant chaque campagne, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on demande à vérifier, en vrai. on est très vigilant. On demande à visiter, on demande à écouter des gens, parce qu'il n'y aurait rien de pire pour nous et pour la communication, je pense, de demain, que de raconter des trucs faux sur la base d'un brief, d'un marketing... qui nous aurait envoyé ça de très loin du terrain, quoi. Nous, on voit le terrain avant. Toi, tu parles de trucs faux. Là, nous, de plus en plus, dans les thématiques qui nous intéressent, on parle de greenwashing. Et d'ailleurs, on va revenir sur cette notion-là. J'aimerais t'écouter à ce sujet. Et ce que tu me dis là résonne particulièrement en moi parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de lancer le podcast 2030 Glorieuse. Je voyais que celles et ceux qui font déjà le monde, qui sont les mondes de demain, en fait, ils ne prenaient pas le temps, ils n'osaient pas prendre le temps, ils ne savaient pas prendre le temps pour communiquer, raconter, et que bah du coup dans cette absence de construction de nouveaux récits, de partage de leurs témoignages, de leurs expériences, il y avait malheureusement tout un raté ou en tout cas un sacré manque pas d'ambition, mais c'est vrai qu'il y avait ces leviers de transformation, d'exponentialité dans le changement qui n'étaient pas saisis parce que l'humanité, elle, c'est vrai qu'elle bouge aussi beaucoup de manière exponentielle par mimétisme, par toutes ces histoires qu'on se partage. Et donc, pour ça, la communication, en fait, c'est très stratégique. Et c'est d'autant plus fort ce que tu me dis que je me rappelle très bien avoir participé à une conférence, il y avait une association, c'était sur l'insertion professionnelle, qui faisait ça depuis des dizaines d'années, qui était un vraiment très implanté, avec une vraie expertise sur ces sujets, mais qui, elle, était très besogneuse, très concentrée dans l'action. Et là, il y avait une start-up, une entreprise qui rejoignait ce secteur, qui sans doute faisait les choses pas si mal que ça, qui avait beaucoup de choses à prouver en tout cas, et qui, en fait, avait mis énormément de moyens dans la communication et qui, très vite, dans l'idée des gens, dans l'esprit des gens, était identifié comme l'un des acteurs, voire l'acteur majeur sur ce sujet. Et l'association, justement, avait fait part de cette surprise et de ce manque d'humilité. Donc, comment toi, tu réussis à placer le curseur entre cette humilité qui est aussi nécessaire et qui permet de faire les choses dans la durée et de manière croissante, mais avec stabilité, et justement cette envie de communiquer à tout prix qui peut vite nous faire tomber dans le greenwashing? Alors ça, effectivement, c'est un dosage subtil. Mais en fait, quand je vois des gens comme ça qui font bien les choses et qui le disent pas, d'abord, pour moi, c'est une espèce de frustration et ça réveille un truc d'injustice hyper profond. Donc moi, je commence par leur dire, mais dites-le ce que vous faites, mais dites-le clairement, dites-le bien, dites-le fort, mais ça mérite d'être entendu. Et en fait, il y a une forme comme ça, juste d'espèce de soyez convaincus, en fait, vous faites des choses incroyables et il faut que ça se sache au moins autant que l'autre. Et en fait, après, il y a presque une espèce de travail à faire auprès de ces gens-là pour leur prouver que la communication, ça marche. Parce qu'en fait, ça a été tellement diabolisé, parce qu'effectivement, ils voient bien qui se sert de ces outils-là, c'est Coca-Cola, c'est LVMH, c'est machin, et ils s'en servent effectivement avec une forme de virtuosité, évidemment. Mais en fait, c'est juste de rappeler que non, mais quand on communique sur ce qu'on sait faire, quand on communique sur ce qu'on fait mieux que les autres, quand on communique sur ce que vivent les gens réellement, avec sincérité, et encore une fois, je pense que ce qui fait la différence, c'est la sincérité dans la démarche, c'est-à-dire que oui, on va bien raconter une histoire, mais cette histoire, elle s'appuie avant tout sur du vrai. Et c'est comme ça qu'on évite le greenwashing en l'occurrence, ou le social washing, parce qu'il peut y avoir aussi tout un tas d'actions de communication sur comment on prend soin de nos collaborateurs ou non. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on s'assure quand même qu'il y a, enfin, on s'assure quand même, on s'assure qu'il y a de la vérité là-dedans. Et qu'on s'appuie sur des faits. Et après, sur le greenwashing, parce que plusieurs fois que t'en parles, c'est un vrai sujet, c'est un sujet passionnant, en fait. C'est un sujet de méconnaissance, le greenwashing. Je pense que le greenwashing, c'est la conséquence d'une boîte qui a compris qu'il fallait parler de ça, qui a rien compris par ailleurs, en fait, qui a rien compris aux enjeux du climat, qui a rien compris à comment on fait un bilan carbone, comment on lit un bilan carbone, comment on analyse son impact, qui a rien compris à ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui. Et donc, pour moi, le greenwashing, c'est une conséquence de ça. Mais par contre, ils ont quand même une intuition ou une obligation légale, hein, parce que parfois, il y a quand même des choses comme ça, de dire on va communiquer sur cet aspect-là parce que c'est ce qui intéresse les gens. Et donc, pour moi, évidemment, il faut le dénoncer au maximum, mais il faut le dénoncer dans un espèce, avec une forme de bienveillance. C'est-à-dire, c'est quand même des gens qui sont pas désespérés, quoi. C'est-à-dire, ils ont perçu qu'il y avait quelque chose là, un fil à tirer. Et moi, mon ambition, ce serait plus de leur dire, ok, vous avez compris quelque chose, mais on va vous expliquer en fait, parce que là, visiblement, vous avez perçu une opportunité, c'en est une, et moi, j'en suis convaincue que toutes les transformations des entreprises liées aux enjeux climat, c'est des opportunités pour les entreprises. Mais laissez-nous vous expliquer en fait que non, une entreprise ne peut pas être neutre en carbone à elle toute seule, que non, si vous avez changé vos gobelets en plastique contre une gourde, vous n'avez pas sauvé le monde, que bref, mais il y a besoin d'expliquer énormément, et je crois pas que ce soit des cas désespérés, ceux-là, il y a pire. Comment vous faites-vous justement très concrètement dans votre activité pour dire d'une entreprise « ok, elle, entre guillemets, on peut la sauver » ma remarque est un peu un raccourci, mais en tout cas, elle peut encore suffisamment se transformer pour rejoindre les 2030 glorieuses, où là, clairement, c'est une fin de non-recevoir, et peut-être que même lui exposer cette incapacité à vraiment se transformer là, à l'heure actuelle, ça peut être aussi salutaire pour elle. Est-ce que vous avez déjà eu à faire ça? Est-ce que tu as des exemples, peut-être, que tu peux me partager pour voilà, vos techniques d'identification de celles, de ces entreprises, de ces structures, de ces associations qui feront bel et bien partie des 2030 glorieuses? Alors évidemment, soyons modestes, hein, on est 12, on fait avec ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est, nous on a créé un outil à nous qui s'appelle le décisionnaire. Le décisionnaire, ça nous permet, quand une entreprise nous contacte, de prendre la décision de est-ce qu'on répond ou pas à cette demande. Et est-ce que oui ou non, on a envie de porter ce combat à leur côté. Et dans ce décisionmètre, en fait, alors il y a plusieurs critères propres à notre profession, mais il y a un critère effectivement lié à, globalement, est-ce que cette entreprise ou cet asso fait partie de la solution. Et pour ça, on regarde évidemment l'activité, on regarde sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se dit, on regarde les notes des collaborateurs, on regarde, voilà. Et puis, en fait, on confronte. Ce qui est assez génial dans notre métier, c'est qu'on a en face de nous les dirigeants la plupart du temps. Et que quand on a un dirigeant en face de nous, on peut lui poser toutes les questions du monde. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire très tôt dans les projets. On se renseigne un petit peu sur les activités et puis on va poser les questions qui fâchent, un peu comme toi de temps en temps. et ça, c'est assez génial parce qu'en fait, en face de nous, parfois, on leur permet de se rendre compte de choses, en fait. Et puis, parfois, ça fait flop. Et quand ça fait flop, et ben pour nous, la décision, elle est prise. Ce sera niet. Je te donne un exemple de cas typique où on a eu à se poser la question. C'est un organisateur d'événements sportifs énorme en France qui organise autant des choses liées au sport mécanique que des marathons, que des courses de vélo, etc. Qui nous contacte pour un appel d'offres sur un rallye, le championnat du monde de rallye raid automobile. Autant te dire que là, il s'agit de mettre des 4x4 dans le désert, donc on est à peu près à l'opposé de ce qu'on veut défendre. Malgré tout, on regarde ce truc-là et on se dit, est-ce que dans cette activité, qui comme ça paraît vraiment tout à fait antinomique avec ce qu'on veut faire, il y a de l'espoir? C'est-à-dire, est-ce que ces gens-là ont monté un plan pour que en 2030, ils ne travaillent qu'avec des voitures responsables, quoique, hein, on peut toujours discuter de ça, ou alors ils changent leur truc et puis demain ça va être une compétition de trottinettes. Et puis voilà. Donc on regarde la trajectoire en fait de ces gens-là. Il se trouve que quand on se renseigne sur cet événement, il n'y a aucune trajectoire vertueuse. Donc de manière très claire, on leur dit écoutez, non, en fait, aujourd'hui vous avez prévu d'envoyer des 4x4 pollués dans le désert. Demain, vous avez prévu de continuer d'envoyer les 4x4 pollués dans le désert. Donc ça, ce sera sans nous. Mais par contre, ce qu'on leur dit aussi, c'est si demain, vous avez besoin de nous pour la même compétition, en vélo, à course à pied, en tout ce que vous voulez, alors là, on est carrément partant. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, c'était la première fois qu'une agence leur disait non. On l'a bien vu parce qu'ils étaient vraiment perturbés, en fait, par perturbés et intéressés par notre démarche. C'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude qu'une agence petite comme la nôtre, modeste, mais dise non à des géants comme ça, qui arrivent, un peu, comme tu disais tout à l'heure, quoi, un peu bling-bling et grandiloquent sur le sujet. Et vous, les petits, on va vous embarquer avec nous et vous allez kiffer cette aventure. Et on dit, non, merci, en fait, nous, on veut contribuer à autre chose que ça. Et je pense que c'est à force pour les petites boîtes comme nous, parce que les petites boîtes comme nous, c'est quand même... je veux dire, c'est un dirigeant qui prend une décision et le lendemain, c'est décidé, c'est fait, c'est la réalité. Les petites boîtes comme nous, elles peuvent décider qu'elles réservent leurs compétences à des boîtes qu'en valent la peine à leurs yeux, puisque chacun peut avoir la mission qu'il veut. Ouais, et on voit le pouvoir de ce nom hein, qui a aussi été utilisé assez récemment par les étudiants, notamment à travers leur manifeste pour un réveil écologique en disant non, nous ne mettrons pas nos talents, notre énergie, notre jeunesse, notre créativité au service des entreprises qui ne sont pas alignées avec nos valeurs et nous n'accepterons pas d'être recrutés par elles. Si bien qu'aujourd'hui, c'est vrai que pas mal d'entreprises, tu le disais, hein, il y a la véritable difficulté de recrutement actuellement un peu partout en France, mais il y a vraiment des entreprises qui se retrouvent dans le cas de figure où les entretiens d'embauche sont presque inversés où les recrutés posent presque plus de questions que les recruteurs. Je te pose une dernière question, moi, Olivia, sur votre activité. C'est passionnant cet échange. Tu nous aides beaucoup à y voir plus clair sur justement l'enjeu de reprendre le pouvoir de la communication, de questionner le fond. Et j'aimerais que tu me racontes aussi comment être une agence de communication remise au service du vivant, ça se traduit sur la forme. Est-ce que tu peux me raconter un peu à quoi ça ressemble Machin Bidule de l'intérieur? Ouais, en fait, donc Machin Bidule, c'est une agence qui a 13 ans. Au début, on a commencé de manière assez traditionnelle à faire ce qu'on savait faire. Et puis rapidement, nous, on s'est rendu compte que, en fait, on ne sait pas tout mieux que les clients. Et donc, on a voulu travailler en intelligence collective. Et donc, une de nos méthodes de travail, enfin, la méthode de travail, si j'ai envie de dire, c'est de faire parler les gens, de les mettre ensemble, de les mettre aussi avec nos équipes et d'extraire la substantifique moelle de ce qu'une entreprise a d'intéressant à raconter ensemble en mettant, moi, j'adore, par exemple, faire des ateliers sur les valeurs des entreprises où on met autour d'une table, certes, le dirigeant, mais aussi la personne qui a le plus d'ancienneté dans la boîte et une personne qui vient juste d'arriver et des jeunes et des vieux et des gens qui sont avec les clients et des gens qui n'y sont pas et des gens et on les met ensemble ces gens-là et je leur demande de me raconter les plus belles histoires de leur entreprise et ce qui émerge de ce moment-là est toujours assez magnifique puisqu'ils prennent conscience que leur entreprise a créé des choses ou a survécu à des choses ou a vécu des moments, y compris le dirigeant, des moments hyper forts et donc c'est ça la passion en fait. Et puis nous on dit créer et faire créer. Donc la créativité, c'est notre ADN, hein, c'est notre différenciation. D'ailleurs, enfin, on s'appelle Machin Bidule. Ça pose quelque chose de l'ordre de, on a le droit de faire différemment. Et on dit créer, faire créer, parce que voilà, nous on crée, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi de permettre aux entreprises de se rendre compte qu'il y a de la créativité chez elles, qu'il y a des idées chez elles, qu'il y a de la matière en fait à l'intérieur de l'entreprise et qu'il suffit juste. Alors quand je dis il suffit. C'est du travail, mais de mettre les gens autour, pas d'une table d'ailleurs, dans une salle avec des outils pour faire émerger toute cette belle matière. La dernière fois, j'ai un client qui est rentré dans l'agence et il m'a dit « Tiens, c'est rigolo, on dirait une école maternelle, votre truc. » Ça explique un petit peu peut-être l'ambiance, ça permet de voir une image. C'est agréable, c'est coloré, c'est un lieu pour le bien-être en fait, c'est un lieu où on a envie de kiffer, parce que pour trouver des idées, il faut être détendu. Enfin, vraiment, on n'a jamais trouvé les meilleures idées du monde quand on était engoncé dans un costume trois pièces autour d'une table de réunion avec un patron qui nous dit « il faut trouver les idées maintenant ». Ça ne marche jamais comme ça. Donc, on a besoin d'un environnement qui soit propice à la créativité. Et c'est ce qu'on fait. Et puis, c'est ce qu'on fait aussi avec nos collaborateurs. C'est vrai que nous, on est des espèces d'athlètes de haut niveau de la créativité, quoi. Et donc, ça nécessite un entraînement constant. Et d'ailleurs assez exigeant. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec nos collaborateurs. On anime plein de trucs, on fait des journées surprises. Voilà, on les confronte, on les inspire, on fait du théâtre d'impro. Voilà, on essaye de faire plein de choses pour stimuler en continu la créativité de nous, des collaborateurs et de nos clients. Et donc, si on devait redéfinir l'intitulé de ton poste, tu dirais que tu es une créative communicante, une communicante créative ou complètement différemment? Comment tu le qualifierais, ton métier, en fait? En fait, moi, j'enlèverais même communicante de mon métier. Mais parce qu'en fait, de plus en plus, on se rend compte que notre ADN, c'est la créativité en agence. Et en fait, cette créativité, elle peut servir à plein d'autres choses que la communication. Donc aujourd'hui, je pense que je suis encore une créative. C'est difficile. On est des on met de l'imagination dans l'entreprise, quoi. C'est ça qu'on fait. Mais ça, ce n'est pas un mot de métier, mais c'est pas grave, tu le prendras quand même. Merci Olivia pour cette première partie, pour la discussion qu'on vient d'avoir sur la place de la communication dans les entreprises et comment elle peut vraiment se remettre au service des 2030 Glorieuses. On va d'ailleurs partir ensemble en 2030 Glorieuses, mais avant le voyage vers les utopies vivantes, il y a toujours cette pause qu'on marque avec l'invité qui nous offre un cadeau. C'est une bulle d'inspiration qu'elle trouve, là en l'occurrence, que tu trouves dans les livres qui sont tout autour de toi. Qu'est-ce que tu vas nous offrir comme petite douceur aujourd'hui? Alors écoute, c'est un passage d'un bouquin de Rob Hopkins qui, je trouve, est un mec absolument truculent que moi j'avais découvert dans Demain et qui a écrit un livre qui s'appelle « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?» En fait, il l'a écrit pour toi ce livre. Hein. Exactement, tu constateras. J'aime bien lire un livre avec un crayon et quand j'ai réouvert ce livre, j'ai constaté qu'il avait été surligné de partout. C'est plutôt bon signe. Laissez-moi vous parler d'Antanas Mockus. Ce Colombien se fit connaître du grand public en 1993 alors qu'il était président de l'Université nationale. Pris à partie par de virulents étudiants d'extrême gauche, il avait baissé son pantalon et montré ses fesses à l'assistance, arguant plus tard qu'un comportement innovant peut être utile quand on ne sait plus quoi dire. Cet acte avait mené, comme on pouvait s'y attendre, à son renvoi de la présidence de l'université, mais lui donna une notoriété utile lorsqu'il s'était présenté à la mairie de Bogota un an plus tard. Vêtu d'un costume de super-héros, Mockus parcourut la ville dans son personnage de super-citoyen, ce qui lui valut de remporter une première fois les élections municipales. Dès sa prise de fonction, il fut filmé en direct dans sa douche, tandis qu'il essayait de convaincre ses compatriotes de réduire leur utilisation de l'eau dans la ville. Il demanda aux résidents s'ils seraient d'accord pour payer une taxe supplémentaire de 10 centimes, sur la base du volontariat, pour lancer certains travaux publics nécessaires, et 63 000 d'entre eux acceptèrent. Il mit en place l'initiative « Une soirée sans hommes », durant laquelle la gente masculine était incitée à rester à la maison et à prendre soin des enfants, tandis que les femmes sortaient dans les rues gardées uniquement par des policières. Mockus s'attaqua même au fléau alors répandu de la corruption des agents de circulation. À l'époque, le taux de mortalité dans les rues des villes était l'un des plus élevés du pays. La police conservait l'argent de la plupart des amendes et n'avait guère d'effet sur la sécurité ou le comportement des conducteurs. Mockus embaucha une équipe de 420 mimes, chargés de se tenir aux intersections de la ville en agitant des cartons rouges en direction des mauvais conducteurs et en applaudissant les bons. Il renvoya l'ensemble du personnel de la police de circulation tout en leur proposant de leur rendre leur poste s'ils acceptaient de se former aux mimes, ce que 400 acceptèrent. Ces mesures réduisirent de 50% le nombre de décès liés aux accidents de la route. Revenant sur ses mandats de maire, Mockus écrit « Voilà ce que j'ai appris. Les gens répondent positivement à l'humour et à l'espièglerie de leurs politiciens. C'est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour changer les choses. » Merci Olivia pour cette lecture et d'ailleurs ça y est, l'espièglerie, l'humour, cette joie débordante, elle fait complètement partie des 2030 Glorieuses dans lesquelles nous nous trouvons. Nous allons donc explorer, voyager et forcément du coup décrire, raconter cette exploration des 2030 Glorieuses pour les personnes qui nous écoutent, qui sont elles restées en 2022 de mémoire, hein, c'est ça, 2022, ça l'époque. Et du coup, on va raconter tout ça avec le plus de détails possible pour que ces 2030 Glorieuses, elles soient tellement réelles qu'elles donnent envie à toutes les personnes qui nous écoutent d'agir dans leur présent pour les faire advenir le plus rapidement possible, ces 2030 Glorieuses. On parlait de communication dans notre échange de tout à l'heure. Avant ça, Avant qu'on rentre dans cette idée de la créativité débordante qui a été entretenue, développée, presque enseignée, j'aimerais que tu me racontes ce que tu vois déjà par la porte de ton bureau, justement, tiens, qui ressemblait déjà en 2022 à une école maternelle. Et ouais, qu'est-ce que je vois par la porte ? Je vois, franchement, je vois un énorme chantier. Je vois des entreprises qui, au fur et à mesure, ont fini par comprendre leur pouvoir d'agir et qui sont en train de se bouger, mais grave, parce qu'en fait, ça a mis du temps, ça a mis plus du temps que ce qu'on aurait voulu. Mais par contre, la puissance de transformation, une fois que les entreprises, elles ont compris, et c'est venu de leurs collaborateurs, là, elle est énorme. Et donc, tout est en train de bouger. Et ça, c'est à la fois flippant, perturbant et très beau de voir qu'enfin, ce mouvement-là est arrivé. Et d'ailleurs, les entreprises, comme tu le disais, elles ont mis du temps à comprendre que leur pouvoir, il n'était pas simplement dans leur action, le tangible, les produits, les services qu'elles proposaient et qu'elles devaient largement, du coup, remettre au service de ces 2030 Glorieuses. Mais ce pouvoir, il était aussi, j'allais dire presque majoritairement, mais à toi de me dire si je me trompe, dans leur communication, dans leur manière de se lier au monde et donc de créer une relation descendante ou pas d'ailleurs avec leurs parties prenantes, c'est-à-dire les partenaires, les clients, le territoire sur lequel elles étaient situées. Et forcément, le marketing par rapport à ça est devenu un levier assez extraordinaire. D'autant que jusqu'à encore une bonne dizaine d'années en arrière, il était majoritairement utilisé pour créer des besoins inutiles. Les dépenses publicitaires, pour rappel, hein, quand même, elles avaient atteint 600 milliards de dollars dans le monde en 2021. Est-ce que tu peux me raconter comment on a réussi à mieux affecter cet argent aujourd'hui et comment, en fait, ces milliards, ils ont été dirigés vers des choses qui ont vraiment du sens ? En fait, d'abord, les entreprises de plus en plus qui communiquaient sur des choses un peu litigieuses, ce qu'on appelait le greenwashing à l'époque, elles ne pouvaient plus le faire parce que réseaux sociaux, parce que des acteurs d'une vigilance incroyable ne les lâchaient pas en permanence, c'est-à-dire que la moindre prise de parole d'une entreprise qui ne s'appuie pas sur la vérité devenait impossible. Et donc, à force, les entreprises, d'abord, elles ont un peu arrêté de communiquer pendant un petit temps parce qu'il fallait revenir se ranger un peu. Et puis en fait, elles ont fini par se rendre compte que ce qu'il y avait de beau à raconter, c'était la vérité, c'était ce qui se passait vraiment, c'était les transformations. Et c'est celles qui ont commencé à documenter leur sincère transformation. Elles ont eu du résultat. Et celles qui continuaient à communiquer sur des choses moyennement vraies, moyennement fausses, un peu exagérées, de manière pas vraiment sincère, elles, ça ne marchait plus. Et en fait, c'est-à-dire qu'à un moment, la communication, pour fonctionner, devait être sincère et devait s'appuyer sur la vérité. Et donc, on avait tout intérêt à se transformer et à communiquer sur sa transformation de manière sincère plutôt que de faire un petit peu et de raconter beaucoup. Et donc ça a quand même été un tournant, mais ça s'est pas passé du jour au lendemain, mais ça a beaucoup changé les choses en matière de communication. Et puis il y a eu de la formation, c'est-à-dire que les dirigeants, mais comme les responsables communication, les responsables marketing se sont formés aux enjeux du climat, et donc ils commençaient à comprendre quelque chose eux-mêmes sur ce qu'ils allaient raconter là. Et puis les médias aussi se sont transformés, les journalistes ont appris à poser des questions là-dessus qui étaient intéressantes, qui n'étaient pas jugeantes et qui, même si parfois elles faisaient peur, contribuaient aussi à la solution. Et puis en fait, il y a eu des changements dans la publicité, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'était un pouvoir, et c'est un pouvoir que jusque-là on laissait aux gens qui ont de l'argent. Et la Convention des citoyens pour le climat avait suggéré il y a longtemps d'inscrire à chaque fin de publicité « En avez-vous vraiment besoin ?» Et j'ai toujours trouvé que cette, enfin, cette phrase à la fin d'une communication, c'est énorme en fait. C'est-à-dire qu'on peut nous vendre un SUV de dingue ou un aspirateur sans fil qui va aspirer tout seul. Et à la fin, ce message, en avez-vous vraiment besoin ? Il est dévastateur en fait pour les entreprises qui veulent vendre toujours plus de choses inutiles. Et donc, bah, ce message, en partie, et puis des contraintes plus fortes sur les budgets communication et la capacité à acheter de l'espace, par exemple, une espèce de répartition de cet espace et de tarification un peu différente pour les entreprises vertueuses, eh bien, fait qu'au fur et à mesure, ce monde-là a complètement bougé. Et tant mieux. Et aujourd'hui, les entreprises qu'on voit le plus, c'est les entreprises qu'en valent la peine et celles qui font partie de la solution. C'est en fait le négatif de la communication d'il y a une dizaine d'années qui était simpliste. On nous proposait toujours soi-disant le meilleur, le plus beau, sans du tout s'adresser à notre intelligence, puisqu'en fait, il n'y avait rien de vraiment tangible dans les propos qui étaient mis en avant par la publicité sur la création de ces supposés produits bénéfiques pour tout un tas de choses qui n'étaient pas vraiment en réalité, ou en tout cas pas pour les choses profondes, comme tu le dis, avec ce marqueur de « en avez-vous besoin ?» qui en fait vient en creux exposer toutes les faiblesses de la communication de l'époque. Aujourd'hui, en fait, ce que tu dis, c'est qu'on s'est rendu compte de notre capacité d'exemplarité et que cette exemplarité, elle met en mouvement d'autres personnes qui, à leur tour, pourront aussi nous aider à nous perfectionner, à trouver d'autres ressources, trouver de nouvelles idées. Et donc, les entreprises, elles ont assumé descendre un peu de leur piédestal pour recréer des communautés. Ouais, recréer des communautés. Et puis, en fait, la sincérité, à un moment, n'est plus une option. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos collaborateurs vont prendre la parole sur les réseaux sociaux pour dire ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Nos clients vont le faire. Tout le monde le fait. Et donc, en fait, même la notion même de confidentialité qui avait disparu de l'espace privé, vous voyez bien que la vie privée avec les réseaux sociaux devenait de plus en plus minime, et ben en fait c'est un peu la même chose avec les entreprises. Cette notion de confidentialité, de ce qui se passe dans l'entreprise reste dans l'entreprise, ça n'a plus fonctionné. Et donc finalement ils ont bien dû changer les choses de l'intérieur, puisque ça commençait à se voir à l'extérieur que c'était pas très beau toujours ce qui se passait. Il faut aussi dire qu'il y a des choses belles qui se passent dans plein d'entreprises et qu'il y a plein d'entrepreneurs qui des 2022, mais bien avant 2022, on commençait à se poser cette question et on commençait à mettre en place des choses. Tous les entrepreneurs et toutes les entreprises ne sont pas du tout à mettre dans le même sac en la matière. Mais les entreprises, elles ont dû faire preuve de transparence, et c'est cette transparence qui a permis de vraiment changer les choses. On arrêtait de mettre une couche de joli et d'écolo sur des choses qui ne l'étaient pas vraiment sincèrement. Et ça a tout changé. Tu commençais à en parler. J'aimerais qu'on s'étende un petit peu sur ce sujet. L'État, il est venu réguler aussi. Parce que forcément, avec sa puissance, il a une efficacité, une capacité à remettre dans la bonne direction qui est extraordinaire. Et donc, tu as commencé à en parler. J'aimerais qu'on revienne là-dessus, mais qu'on détaille aussi les autres obligations qui ont été dictées sur le sujet de la communication. Tu as commencé à dire qu'il y avait des tarifs préférentiels pour les publicités plus ou moins vertueuses. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre l'État ? L'État, il a rendu obligatoire pour toutes les entreprises le fait de réaliser un bilan carbone et le fait de pouvoir prouver pour une entreprise ses réductions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que ce rapport qu'on appelle RSE, qui était obligatoire pour les très grosses boîtes il y a encore quelques années, est devenu une norme en fait pour tout le monde, et avec des objectifs et des objectifs de communication d'ailleurs dessus. C'est-à-dire que tous les ans, une entreprise est obligée de communiquer son bilan carbone, ses efforts et où elle en est de tout ça. Et donc c'est quand même une incitation, et c'est quand même une incitation notamment en recrutement, hein, parce que les jeunes qui arrivent dans l'entreprise, ils ne sont plus à voir du tout Il y a encore 10 ans, les entreprises préférées des jeunes diplômés, c'était Apple, c'était L'Oréal, c'était machin. Ça s'est complètement cassé la gueule. Hein, les nouveaux trucs qui font rêver la jeunesse, c'est des belles entreprises inspirantes, mais c'est plus des. Enfin voilà, c'est des back market, c'est des Murphy, c'est des gens comme ça. Et donc ces entreprises-là, elles arrivent à recruter là où les autres n'arrivent plus à recruter. Et ben mécaniquement, ça veut dire que les talents, ils vont chez les bons. Et si les talents, ils vont chez les bons, ben voilà, en fait, c'est eux qui développent, c'est eux qui innovent, c'est eux qui créent de la valeur. Et c'est comme ça que ça marche. En fait, c'est qu'à un moment, le pouvoir, il a basculé d'un autre côté. Et ça, c'était quand même génial. Le pouvoir, il a aussi basculé du côté de la joie, d'une insouciance libératrice. On se marre en 2030 glorieuse. Chez Machin Bidule, je pense que c'était un peu l'une de vos boussoles, voire la boussole, l'idée de se faire du bien. Pas un plaisir fugace, immédiatement remplacé par un autre, mais quelque chose de plus enfantin dans le bon sens du terme. Est-ce que tu peux me raconter ça? Ouais, ben on se barre parce qu'en fait c'est comme une espèce de reboot quoi. Tout est possible là en ce moment. Tout peut être remis en cause et donc tout peut être réinventé, ce qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur, de perdre quoi que ce soit parce qu'objectivement, on passe pas loin et tout ce à quoi on a dû renoncer, on y a déjà renoncé finalement. Et donc à ce stade-là. Ben, on est dans la création d'un monde nouveau, possible, effectivement, où le bonheur est possible. C'est ça qui me... Enfin, comment dire, c'est le sujet sur lequel je réfléchis le plus, en fait. C'est comment peut-on être heureux encore demain dans ce monde où tout va bouger, où c'est flippant, il faut quand même aussi le dire, c'est flippant. Mais parce que c'est flippant, il y a une solidarité incroyable qui s'est créée, il y a une forme d'esprit d'équipe incroyable qui s'est créé, et ça c'est quand même hyper beau. Enfin, c'est, pour le coup, voilà, l'humanité montre ce qu'elle a en elle de qui fait du bien et qui est possible, et la joie en fait partie. Et la joie, effectivement, c'est dans notre ADN à nous chez Machin Bidule depuis le début. On a accepté de positionner ça, de dire une entreprise n'est pas nécessairement chiante et grise et sérieuse. Une entreprise peut être tout à fait crédible et pertinente en étant impertinente et en étant décalée et en acceptant de faire les choses autrement, comme Mocus tout à l'heure avait une manière de faire de la politique qui était très propre à lui. C'est pas pour autant que ça marche moins bien et c'est plus agréable en fait pour tout le monde. Donc voilà, remettons de la joie. Ouais, mettons de la joie. Comment vous faites chez Machin Bidule pour rester avant-gardiste en 2030 glorieuse? Eh ben, c'est une question éternelle, ça. On se le demandait en 2010, en 2020, en 2030, on se demande encore. C'est de la curiosité. En fait, c'est une forme de curiosité intense. J'avais entendu Thierry Marx dire à ses collaborateurs « C'est pas moi qui protège votre emploi, c'est votre curiosité. » Et c'est exactement ça. C'est de toujours ouvrir grand les yeux, écouter, poser des questions, s'intéresser à des choses qu'on connaît pas. Il y avait le mouvement des makers par exemple, qui est un mouvement de joyeux bricoleurs quoi, qui créent des choses avec 3 francs 6 sous. Et ben eux, c'était un signal faible, ce qu'on appelle un signal faible il y a encore 10 ans, mais ils sont devenus pléthoriques. En fait, il y a des makers partout, il y a des cours de makers partout. Voilà, les jeunes apprennent à bricoler, à fabriquer des choses, parce qu'à un moment il a tous fallu qu'on apprenne à réparer notre grille-pain et notre four à micro-ondes, et donc ça c'est devenu majeur. Et nous on essaye de, quand on voit un signal faible, et ben on va creuser le sujet au maximum, et voilà, c'est notre curiosité. Toi Olivia, tu fais quoi en 2030 glorieuse? Eh bien moi non, moi plusieurs choses, moi j'ai plusieurs activités en vrai. Machin Bidule est devenue une agence de créativité, c'est-à-dire qu'elle applique sa créativité plus seulement à la communication, mais aussi à tous les autres services de l'entreprise. Et elle met en lien des professionnels, par exemple les responsables RSE des entreprises qui étaient un peu démunis jusqu'à ces dernières années. On les met en relation et on leur donne du pouvoir et on leur donne des méthodes. Ça, c'est une de nos premières activités. Et la seconde, en ce qui me concerne, moi, c'est qu'en fait, j'ai pris ma liberté, j'ai pris ma part dans ces batailles-là. Et donc, il y a une part de moi qui est activiste et qui accompagne les entreprises dans leur transformation profonde et les dirigeants aussi dans leur transformation profonde, dans tout ce que ça implique. On revient en 2022, Olivia. L'atterrissage, on va essayer de le faire le plus en douceur possible. Pour ces personnes qui ont entendu là, parler de ces 2030 glorieuses, créatives, transparentes, honnêtes, et qui aimeraient les incarner et s'y diriger le plus rapidement possible, qu'est-ce que tu leur conseilles comme action supplémentaire, comme pas additionnel, comme transformation nécessaire pour les faire advenir le plus vite possible? Se rendre compte du pouvoir d'un non, du pouvoir d'un jeune qui dit non, ça s'écoute en fait. Les dirigeants que je connais bien écoutent ça, sont très sensibles à ça. Et un jeune qui va leur dire « Non, je ne veux pas bosser chez vous. » Pour telle raison, c'est énorme. En fait, vous allez là contribuer à transformer énormément une entreprise. Un jeune qui dit « Non, je ne veux pas consommer votre produit parce qu'il ne respecte pas si ça, ça. » C'est énorme. Et en fait, faites-le savoir. Au-delà de ne pas consommer ou de ne pas... faites-le savoir. Faites des messages pour expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les entreprises aujourd'hui, elles peuvent avoir envie, elles sont, pour beaucoup, elles sont paumées. Elles sont vraiment paumées, en fait. Et il faut leur expliquer ce qui est important pour vous. Il faut leur expliquer ce qui compte pour vous, ce que vous cherchez, ce que vous attendez d'une boîte. Il faut vraiment leur expliquer ça, mais avec une forme de bienveillance pour ces dirigeants qui sont eux-mêmes en danger, en fait. Hein. C'est des entreprises qui sont en danger, qui voient leur chiffre d'affaires partir, qui voient leurs collaborateurs partir, qui sont engagés financièrement, qui ont des prêts sur le dos, c'est des gens qui ont peur, mais en fait, aidez-les à comprendre un changement là que pour beaucoup, ils ne voient pas venir assez vite, quoi. J'ai l'impression que ce pouvoir du non, il peut être pris par tout le monde, hein, pas que par les jeunes, et qu'il dépasse en plus largement ce qu'on a envie de consommer ou pas, et que ce non, il s'applique aussi dans notre entourage, dans... après notre famille, nos voisins, dans les associations, les écoles, un peu dans tous les cercles dans lesquels on évolue, parce que ça dit aussi quelque chose de notre acceptation, de notre place dans tous ces écosystèmes, de ce qu'on considère normal ou pas dans la relation entre les âges, entre les genres, entre les cultures, et que ce nom bien utilisé, toi tu parles de bienveillance, il ouvre la place du coup à tous les oui qu'on a envie de défendre, qu'on a envie de grignoter, qu'on a envie de voir encore plus valoriser, non? Ouais, exactement. Rob Hopkins, il disait ça, il parlait il faut prononcer un grand non intrépide, un grand non aux énergies fossiles, tout ça, mais dans le même temps, il faut prononcer un grand oui intrépide, un grand oui à l'émergence d'une nouvelle économie, un grand oui à la coopération, un grand oui à la joie dans le travail, un grand oui. Et en fait, c'est effectivement ce nom-là, intrépide et fort et puissant et sans concession. Mais s'il est accolé à ce grand oui, à quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous fait envie, là, on arrive à changer les choses, quoi. Merci, Olivia. Merci, Julien. Ça y est, cet échange avec Olivia Guilbeault se termine. Ça fait quelques semaines qu'on se parle avec Olivia pour concrétiser cette interview, et en fait, ça fait même moi quelques mois que j'ai envie de vous proposer ces métiers qui sont peut-être, comme je le disais pendant notre échange, un tout petit peu moins évidents quand on imagine les métiers des 2030 Glorieuses, et qui pourtant sont en fait tout à fait nécessaires. On va encore avoir besoin de communicants pour mettre en avant les initiatives les plus vertueuses, pour créer ce lien, notamment à une échelle un peu plus humaine sur les territoires, et apporter de la créativité, comme le disait Olivia, dans toutes les facettes, à toutes les échelles de l'entreprise, de l'association, des organisations humaines en fait qu'on peuple au gré de notre agenda. Et là, moi, ce que j'ai bien aimé avec cette conversation, c'est que du coup, on montre à quel point souvent on a des outils qu'on a malheureusement utilisés pour permettre cette exploitation à un rythme effréné pour le profit de quelques-uns, mais que ces outils, on peut les reprendre. On peut les reprendre pour rendre obsolète le monde actuel, mais on peut aussi les reprendre pour libérer l'humanité et là, en l'occurrence, donner le sens premier, revenir à la racine du besoin de communiquer, qui est de créer du lien entre les êtres humains et donc d'échanger, de favoriser ces liens, de favoriser ces connexions vectrices en fait de solidarité, de pacifisme et d'une stabilité dont on aura de plus en plus besoin, en plus dans un monde qui continuera à être changeant et imprévisible et souvent chaotique. Donc à toutes les personnes qui travaillent dans ces milieux-là, et on parle de communication, mais on pourrait parler de plein d'autres choses. Rassurez-vous, vous n'allez pas devoir tous et toutes troquer vos métiers, à moins que là, en l'occurrence, vous y trouviez plus rien d'épanouissant. Et là, c'est libre à vous d'aller explorer les sujets qui vous tiennent à cœur actuellement. Mais il y a aussi, et Olivia en a été un bon témoin, il y a de la place pour redonner à ces métiers qui ont été largement dévoyés leur lettre de noblesse. Merci en tout cas, comme d'habitude, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et forcément, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommencepartmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !